L'argument selon lequel l'imam Shafi'i excusa par l'ignorance celui qui ignore des noms et attributs d'Allah, ainsi que celui qui dit que le Coran est une création. Il se base sur une parole de l'imam Shafi'i qui dit « Et Allah possède des noms et des attributs qu'il n'appartient à personne de rejeter, et celui qui s'y oppose après que la preuve lui soit établie devient mécréant. Par contre, avant que la preuve ne soit établie, il sera excusé pour l'ignorance, car ceci ne peut être connu par la raison, ni par la vue, ni par méditation. » La réponse est « Rien ne prouve dans la parole de l'imam, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'elle concerne que les attributs d'Allah. » D'abord parce que les termes qu'il a utilisés laissent entendre qu'il parle de certains attributs et non de tous, puisqu'il dit « Allah possède des noms et attributs ». Il utilisa l'indéfini, ce qui empêche de comprendre qu'il parle en général, sinon il aurait dit « les attributs qu'Allah possède ». Ensuite, parce que si réellement sa parole concernait tous les attributs d'Allah, cela veut dire que celui qui ignore qu'Allah est le créateur de la terre, du ciel, du soleil et des hommes serait un musulman excusé jusqu'à ce que la preuve lui parvienne. Si on répond que l'imam ne visait pas celui qui ignore cet attribut-là, nous saurons qu'il ne vise donc pas tous les attributs d'Allah, mais uniquement ceux dont l'ignorance n'empêche pas de connaître son unicité, que ce soit dans la seigneurie ou la divinité, comme celui qui ignore qu'Allah a deux mains, un visage, qu'il est au-dessus du trône, ou que sa parole est composée de mots et de phrases en langue arabe, etc. En effet, ces attributs ne peuvent être déduits par la simple connaissance qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah, mais pour les connaître, il faut absolument qu'Allah l'annonce aux hommes par le biais d'un messager. Il se base aussi sur une parole d'Ibn Taymiyyah qui dit « Et aussi, lorsque Shafi'i dit « Hafs el-Fard Kant », celui-ci a dit « Le Coran est une créature. Tu as mécru en Allah l'immense. » Il lui a par là expliqué que ses paroles étaient une mécréance, mais il n'a cependant pas jugé de l'apostasie de Hafs pour cette simple parole, car il n'avait pas encore compris la preuve dont le rejet est une mécréance. En effet, si Shafi'i aurait cru que Hafs avait apostasié, il se serait empressé de l'exécuter. Ils disent, Ibn Taymiyyah explique ici que Shafi'i n'a pas fait le takfir de Hafs, bien que les propos qu'il a tenus sont de la grande mécréance, et il l'excusa par l'ignorance. La réponse est, premièrement, le fait de savoir que le Coran est la parole d'Allah incréée, et que la parole d'Allah est réellement composée de mots et de sons, ne peut être connu sans qu'une preuve venant d'Allah ne soit révélée, et il ne suffit pas d'entendre. Il n'y a de vrai Dieu qu'Allah pour savoir que la parole d'Allah est ce Coran en langue arabe. Deuxièmement, Ibn Taymiyyah rapporte une autre version de ce récit dans laquelle il est mentionné que Shafi'i allait tuer Hafs. C'est alors que Shafi'i établit la preuve que le Coran est la parole d'Allah, incréé, puis il déclara Hafs mécréant. Alors, Ar-Rabi a dit « J'ai rencontré Hafs dans la mosquée après cela, et ce dernier me dit « Shafi'i a voulu me tuer ». L'argument selon lequel l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi voyait l'excuse d'ignorance dans le shirk. Certains se basent sur ce que rapporte Mohammed al-Qasimi dans son tafsir comme propos d'Abu Bakr ibn al-Arabi. Si l'ignorant ou celui qui commet une erreur parmi les adeptes de cette communauté, même s'il fait un acte de kufr ou de shirk, dont l'auteur en principe devient soit mouchrik, soit kafir, il est excusable en raison de son ignorance et de son erreur, jusqu'à ce que lui soit établi de façon claire et limpide, loin de toute confusion, la preuve d'Allah qui voue à la mécréance celui qui ne s'y soumet pas, et qu'il renie ensuite un point élémentaire de la religion, relevant du consensus recensé de façon sûre, et que tout musulman connaît machinalement et sans réfléchir. La réponse. Lorsqu'on reprend le passage en question depuis le début, on comprend qu'Ibn al-Arabi parle ici de la petite mécréance et du petit shirk qui ne font pas sortir de l'islam et qui ne s'opposent pas à l'unicité d'Allah. Voici les propos contenus dans le tafsir d'Al-Qasimi. Attention, lorsqu'on trouve dans un hadith « celui qui fait ceci a certes associé ou mécru », cela ne veut pas toujours désigner la mécréance expulsant de la religion, ni le polythéisme majeur expulsant de la religion, expulsant de l'islam, sur lequel sont appliqués les statuts propres à l'apostat, et le refuge est auprès d'Allah. En effet, Al-Bukhari a dit, chapitre, la mécréance est de deux sortes, l'ingratitude dans la cohabitation, et la mécréance moindre que la mécréance. Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi a dit, dans son commentaire, ce que veut démontrer ici Al-Bukhari, c'est que de la même manière que l'ensemble des obéissances porte le nom de foi, et bien l'ensemble des désobéissances porte le nom de mécréance. Mais lorsqu'on lui donne le nom de mécréance dans l'absolu et sans précision, on ne veut pas forcément désigner par lui la mécréance qui expulse de la religion. Si l'ignorant ou celui qui commet une erreur parmi les adeptes de cette communauté, même s'il fait un acte de kufr ou de shirk, dont l'auteur en principe devient soit mouchrik soit kafir, il est excusable en raison de son ignorance et de son erreur jusqu'à ce que lui soit établi de façon claire et limpide, loin de toute confusion, la preuve d'Allah qui voue à la mécréance celui qui ne s'y soumet pas et qu'il renie ensuite un point élémentaire de la religion relevant du consensus recensé de façon sûre et que tout musulman connaît machinalement et sans réfléchir. Lorsqu'on lit la citation complète, on voit bien qu'Abu Bakr ibn al-Arabi, tant que Mohamed al-Qasimi vise le petit shirk qui ne s'oppose pas à l'unicité d'Allah. Et bien que la fin de ses propos pose problème lorsqu'il dit que celui qui commet de la petite mécréance ou du petit shirk ne sort pas de l'islam tant que la preuve ne lui a pas été expliquée. Peut-être vise-t-il par là celui qui rend licite ces choses après en avoir connu l'interdiction. Et lorsque la parole d'Allah et de son messager sont ambiguës, il n'est pas permis d'en bâtir un principe. Et Allah déclara que ceux qui basent les principes de leur religion sur les versets ambigus sont ceux dont le cœur penche pour l'égarement. Alors que dire de celui qui bâtit les principes de sa religion sur la parole ambiguë d'un homme, qui de surcroît était un hérétique notoire, concernant la définition de la mécréance et de la foi? Le Qadi Iyad al-Maliki nous mentionne l'avis d'Abu Bakr ibn al-Arabi concernant la définition de la foi et de la mécréance. Al-Qadi Abu Bakr a dit, l'avis que j'ai est que la mécréance en Allah, c'est le fait d'ignorer son existence, et que la foi en Allah, c'est le fait de savoir qu'il existe. Ainsi, nul ne devient mécréant pour une parole prononcée, pour une opinion, à moins qu'il ne s'agisse d'ignorer Allah. S'il désobéit Allah par une parole ou un acte, qu'Allah ou son messager ou l'unanimité des musulmans ont noté comme ne pouvant surgir que d'un mécréant, ou alors qu'une preuve de cela s'établisse, celui-là a mécru. Mais ce n'est pas en vertu de sa parole ni de son acte, mais bien en vertu de ce qui est lié à cela comme mécréance. La mécréance envers Allah ne peut en effet se trouver que dans trois choses. Premièrement, l'ignorance d'Allah. Deuxièmement, commettre un geste ou tenir un propos au sujet duquel Allah, son messager ou l'unanimité des musulmans ont annoncé que cela ne peut surgir que d'un mécréant. Comme par exemple se prosterner devant une idole, ou marcher pour se rendre à l'église en s'accrochant un zinar en compagnie des fidèles de cette église lors de leur rituel, ou alors que ce propos ou ce geste ne peut en aucun cas coexister avec la connaissance d'Allah. Cette citation nous montre qu'Abu Bakr ibn al-Arabi considérait qu'ignorer l'unicité d'Allah est la seule et unique forme de mécréance qui existe, et que le fait de se prosterner pour une idole est un geste ne pouvant coexister avec la foi en Allah. Alors que ces gens veulent faire croire qu'Abu Bakr ibn al-Arabi considère qu'ignorer l'unicité d'Allah empêche d'être mécréant et de sortir de l'islam. L'argument de la situation, le shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui ne juge pas mécréant ceux qui adorent la tombe de Jilani par ignorance. Mohammed ibn Abdel Wahhab dit: alors que nous ne jugeons pas mécréant celui qui adore l'idole qui se trouve sur la tombe d'Abd al-Qadir et ses semblables à cause de leur ignorance, et que personne n'est venu les avertir, alors comment jugerions-nous mécréant celui qui n'associe personne à Allah simplement pour ne pas s'être exilé chez nous, et qu'il n'a pas mécru ni combattu? Gloire à toi Allah, c'est une immense calomnie. Nos opposants prétendent qu'ici, Mohammed ibn Abd al-Wahhab déclara qu'il juge musulmans ceux qui adorent par ignorance la tombe de Jilani et de l'Kawaz. La réponse est, Mohammed ibn Abd al-Wahhab n'a jamais dit qu'il les considérait musulmans. Au contraire, lui et ses enfants ont précisé qu'ils ne considèrent pas ces gens-là comme des musulmans, mais bien comme des associateurs païens et idolâtres. Mohammed ibn Abd al-Wahhab a dit, ce genre d'idolâtres et leurs semblables, qui adorent les saints et les pieux, nous jugerons qu'ils sont polythéistes et nous considérons qu'ils sont mécréants après que la preuve leur soit établie. Par contre, pour le reste des péchés moins graves que cela, en rang et en nuisance, nous ne donnons pas le verdict de mécréance pour ces choses-là. Analyse. Ils considèrent que ceux qui adorent les saints sont polythéistes, mais ils ne les jugent mécréants qu'après l'établissement de la preuve. Les savants Abdullah et Ibrahim, fils d'Abdallah Latif et le Shir, ainsi que Sulayman ibn Sahman expliquèrent les propos de Muhammad ibn Abdel Wahhab. Quant à la parole du Cheikh Muhammad, rahimahullah, celui qui est sur la coupole d'Al-Kawaz et ses semblables, et que l'idolâtre, l'Watani, n'est pas jugé mécréant tant qu'il n'a pas été appelé à la vérité, et que la preuve ne lui est pas parvenue. En effet, le Cheikh Muhammad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne jugeait pas les gens directement mécréants, mais uniquement après que la preuve leur soit parvenue et après exhortation. Analyse. Les propos ici sont évidents. Ces éminents savants, dont la plupart sont directement descendants du Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, ont bien expliqué que lorsque le Cheikh disait « Nous ne jugeons pas mécréant l'ignorant qui adore les tombes », il considérait tout de même cet ignorant, Watani, idolâtre et non pas musulman. Cheikh Abdel Latif ibn Abdel Rahman al-Cheikh expliqua les propos de son arrière-grand-père. Et Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab rahmahullah était des plus abstinents quant à prononcer le verdict de mécréance, au point qu'il n'était pas catégorique quant au verdict de mécréance sur l'ignorant qui invoque un autre qu'Allah parmi les morts dans les tombeaux, alors que personne ne l'a conseillé ni transmis. À ce sujet de preuve à laquelle celui qui s'oppose devient mécréant. Il a même dit dans certains de ses lettres, « Alors que nous ne jugeons pas mécréant celui qui adore la coupole d'El-Kawaz, tant que l'invitation au monothéisme ne lui a pas été présentée. Alors comment jugerions-nous mécréant celui qui ne s'exile pas chez nous et qui est croyant et monothéiste ?» Il fut aussi interrogé au sujet de ce genre d'ignorant. Et il estima que celui à qui la preuve est établie ou qui est capable d'en prendre connaissance prendra le statut de mécréant s'il adore les tombes. Et nous avons déjà fait une mention suffisante de ces propos, en plus de l'érudit Ibn Qayyim, rahimahullah, il fut catégorique dans son verdict de mécréant sur ceux qui suivent aveuglément leur gourou dans leur impiété, alors qu'ils sont capables de rechercher la vérité et de la connaître, mais s'en désintéressent et s'en détournent. Quant à ceux qui ne sont pas capables de prendre connaissance de l'enseignement des messagers, il entre selon lui dans la catégorie des gens de la rupture, c'est-à-dire ceux à qui aucun message n'est parvenu. Mais aucun des deux catégories n'est jugé musulman, ni ne rentre sous la nomination de musulman, même selon ceux qui ne jugent pas mécréants certains d'entre eux. Et nous allons citer ses propos, mais pour ce qui est de l'idolâtrie, il mérite ce nom. Et ce nom les englobe. Et quel islam peut-il rester chez quelqu'un alors que sa racine même est détruite? Il a ici clairement confirmé que certains savants ne jugent pas mécréants certains non-musulmans, dans le sens où ces non-musulmans n'ont pas rejeté la vérité vu qu'elle ne leur est même pas parvenue, et que donc n'ont pas concrétisé la mécréance par définition. Et pour conclure, le Cheikh Abdel Latif ibn Abdel Rahman le Cheikh rapporte une autre version de cette fameuse citation du Cheikh dans laquelle on note une variante non négligeable. Alors que nous ne jugeons mécréant que celui qu'Allah et son messager ont jugé mécréant, parmi les polythéistes qui adorent les idoles, comme ceux qui adorent l'idole de la tombe de Abd al-Qadr et l'idole sur la tombe d'Ahmed al-Badawi et ceux de leur genre. Quant à ceux qui ont eu foi en Allah et ses messagers et au jour du jugement dernier et qui ont lutté dans le sentier d'Allah d'une véritable lutte pour lui, ceux-là sont nos frères dans la religion, même s'ils ne s'exilent pas chez nous. Alors comment les jugerions-nous mécréants? Gloire à toi, ô Allah, c'est une immense calomnie. Ici, dans cette version, le Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab jugeait justement mécréants ceux qui adorent cette fameuse idole. Quant à celui que le Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab considère musulman, il l'explique lui-même. Certes, le biais par lequel l'homme entre dans l'islam, c'est l'unicité d'Allah dans la divinité, c'est-à-dire qu'il n'adore rien d'autre qu'Allah, ni un ange proche d'Allah, ni un prophète envoyé par lui. Ceci car le prophète, que le salut et la paix soient sur lui, fut envoyé aux païens qui adoraient des choses avec Allah. En effet, certains adoraient des idoles, d'autres invoquaient Issa, d'autres invoquaient les anges. Et il leur interdit cela, et les informa qu'Allah l'a envoyé afin qu'il soit adoré lui uniquement, et que personne d'autre que lui ne soit invoqué, que cela soit les anges ou les prophètes. Et donc celui qui le suit et unifie Allah, c'est celui qui atteste qu'il n'y a de vrai Dieu qu'Allah. Et celui qui lui désobéit et invoque Issa et les anges, et leur implore l'aide, et se réfugie vers eux, celui-là a rejeté la ilaha illallah, malgré qu'il reconnaît que nul ne crée, ni ne subvient d'autre qu'Allah. Et ainsi tu sauras que celui qui adore un autre qu'Allah ne peut en aucun cas être en même temps musulman. Et ceci est l'avis de tous les musulmans sans exception. L'un des premiers à avoir affirmé le contraire est Daoud ibn Jarjis al-Iraqi, et après lui, Ibn al-Utsaymin al-Albani, Ahmed Shakir, et d'autres encore qui les ont suivis dans l'égarement. Qu'Allah nous protège d'un tel égarement.